quoi noyer mes os. Il me passe du cash pour finir le mois. Si j'y perds dans la fin, il me donnera. Mais quand j'arrive la ramasser, il avait vendu sans m'avoir appelé. Ma blonde en va me crucifier d'avoir vendu sa TV. Faudrait qu'il y en achète un autre. Mais là, je veux pas, j'ai friggin' bro. Mais voilà, pour mon dit, me mettre pas de payer un whisky. Oh. L'admettre, mais c'est le premier endroit au monde où on m'accepte. Le premier endroit au monde où je me sens chez moi. Ça me donne des émois quand je vois ces pavés étroits. C'est pas Détroit ou Los Angeles, mais ici on me lance des sourires de manière honnête. Je pourrais marcher sur son corps comme on parcourt le globe. Retracer mon passé comme un archéologue. Tu vois ces bandes parcs ont tous été témoins de mes premiers amours puis de mes premiers joints. Je pourrais y aller loin, mais je dois revenir à ma ville. Comme en doute, c'est dur de renier ces classiques. Pis si un jour, moi je me sens vieux, j'irai m'y reposer jusqu'à ce que je me sente mieux. J'ai fait les 100 lieux, mais big up à ma banlieue. J'y reconnais là mon tempérament qui fait des envieux. J'aime les pavés de ma rue, j'aime quand mon quartier me donne des saluts. J'aime surtout flâner au-dessus de ses avenues. J'aime me rappeler que chez moi je suis bienvenu. Break it down now. J'aime les pavés de ma rue, j'aime quand mon quartier me donne des saluts. J'aime surtout flâner au-dessus de ses avenues. J'aime me rappeler que chez moi je suis bienvenu. Break it down now. Je connais Londres, New York, puis je connais Berlin. Mais rien au monde ne peut battre mon patelin. C'est trop pour en transporter les feuilles de mon premier automne. Ces rues connaissent mon auto quand je suis devenu autonome. Mon auto roule sur ses souvenirs. Ça me saoule, me coupe le souffle. Permettez-moi de m'ouvrir. Je sais pas où je vais mourir, mais ce paysage est mortel. Peut-être que je vais m'y retrouver post-mortem. Puis j'enterrai les boulevards avec mon nom gravé dans le ciment du plus haut des monuments. Pardonnez mon arrogance, mais je suis nostalgique. Comme Mando, c'est dur de renier ses classes. C'est magique, ici je me suis baptisé sans me restreindre. Ces pavés m'ont même donné mes premiers nicknames. Ici je suis privilégié, c'est trop spécial. Puis quand je reviens dans ma tête, j'entends ce message. J'aime les pavés de ma rue, j'aime quand mon quartier me donne des saluts. J'aime surtout flâner au-dessus de ses avenues. J'aime me rappeler que chez moi je suis bienvenu. Break it down now. J'aime les pavés de ma rue, j'aime quand mon quartier me donne des saluts. J'aime surtout flâner au-dessus de ses avenues. J'aime me rappeler que chez moi je suis bienvenu. Bring it down now. Voilà, D-Track, nouvel album mars 2019 et nouvel album aussi de Hey Wow. Et Kevin Doe me disait en envoyant cette pièce-là, je lui ai dit que je capotais, je disais, hey, c'est super bon. Il dit, oui, ben attends, tu vas aimer l'album. Donc, peut-être un album de musique folklorique disco pour Hey Wow à suivre. Sûrement que l'album va arriver au courant du début 2019. Et Wow, un groupe de la région de la capitale nationale, Ottawa, qui font toujours de l'excellente musique, des bons musiciens. Donc, voilà pour ce qui est de Et Wow. On est rendu à notre bloc instrumental et je vais commencer avec la pièce titre de l'album, de son album Résilience. Je parle bien sûr de Sean Ferguson, qui, j'ai eu un entretien avec lui cette semaine et il me disait que. Avant ça, il faisait du métal. Sean Ferguson faisait du métal. Ben, il fait toujours de l'excellente musique, mais cette fois-ci, c'est un peu plus folk, un peu plus planant, un peu plus, un peu plus intimiste. Très bonne musique, bon guitariste. Il a remporté le prix artiste folk de l'année pour les prix de la musique NB au Nouveau-Brunswick. Bravo Sean, on va l'écouter avec résilience. Je vous invite également à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock. Si vous descendez un peu, vous allez voir une vidéo en spectacle de Christine Tassan et les Imposteurs. Qui nous font Nuages Bozo live, vraiment intéressant. J'adore ces quatre femmes-là. Il y a quelque chose qui se brasse, on n'a pas plus de détails, mais il y a quelque chose qui s'en vient pour eux à suivre. Christine Tassan et les Imposteurs, quatre machines, avec tout respect, Deux guitares, une contrebasse, un violon, des bonnes de bonnes musiciennes à suivre pour qu'est-ce qui se passe pour eux. Et on va terminer ça avec Éric Saint-Laurent, la pièce titre de son album Planète. Éric Saint-Laurent, qui est guitariste qui demeure à Toronto, qui est bien occupé dans ce coin-là. Il fait du jazz avec son groupe, vraiment bien fait.